Ben, je trouvais ça important de dire la vérité. Alors, est-ce qu'on est allé sur la Lune? Ça, c'est l'une des questions qui est à l'origine d'une des théories du complot les plus populaires de tous les temps. Puis, c'est mon travail de démentir les fausses nouvelles. On a plein de preuves scientifiques qui prouvent qu'on est allé sur la Lune. Okay? C'est une évidence et c'est vraiment pas une question d'opinion. C'est comme si je te disais, moi, je pense que Kim Kardashian est la vraie présidente des États-Unis. Tu sais, ça a pas de sens. Elle a dit des faussetés devant des millions de gens et moi, je trouve ça très grave.